risquera une mort, l'enfant se sera trouvé. Oh, un cancer pancréas, qu'elle va encore se justifier par rapport à son look et la taille de sa crête. Y'a toujours un bon cher pour venir te prendre la tête. Tout fait, tout vu, ils savent tout mieux que toi. T'as fait fuck de gars postal ou je sais quoi. Ils te stigmatisent, ils ont le cerveau. Mais tant que c'est pas la crête qui fait le capot. La crête de la tête, bang touriste. Oh, oh, oh, oh, oh. La crête de la tête, bang touriste. Il a la guitare, putain de touriste. Par ces individus, le look est boycott et banni. Soi-disant pour rester homme, mais pour elle hypocrisie. Ces intermittents du punk qui ne gardent que ce qui les arrange. Des couilles mal qu'on peur de se mouiller, le poulet pas lâche. Des putains de touristes qui l'ont à la foutre dans le mouvement. Des coques qui écoutent du punk, coques occasionnellement. La crête de la tête, ça ils l'ont perdu, prenez ses poussées et pas de vol. En fait, leur cerveau finit tout. La crête de la tête, bang touriste. Oh, oh, oh, oh, oh. La crête de la tête, bang touriste. Il a la guitare, putain de touriste. Une histoire d'état d'esprit. Y'a de façon d'être des putains bêtement avec lesquels s'associe. Au même titre que le genre de musique, le mode de vie, le style graphique. Sinon la porte qui est punk fort, nous on ne sait pas à bouton. On scotte des étiquettes pour exposer notre identité. Mais on garde malgré tout notre propre personnalité. On restera toujours vrai, passionné et en fondant. Méprisé, on s'en tape sur tous les airs punk à maintenant. La crête de la tête, bang touriste. Oh, oh, oh, oh, oh. La crête de la tête, bang touriste. Il a la guitare, putain de touriste. Il a la guitare, putain de touriste. La crête de la tête, bang touriste. Oh, oh, oh, oh, oh. La crête de la tête, bang touriste. Aïe. Il a des guitares, putain de touriste. Il a des guitares, putain de touriste.